J'avais dit, allez vas-y, baïonnette au bout du fusil. J'ai plus quoi faire, droit de mes tripes qui traînent par terre. Et l'autre type, délire et parle d'une Gretchen qui est blonde et blanche comme les. On va crever, tu m'aimes bouler, mon pote dans ce trou des Ardennes. Souvenez-vous, la chanson de Corne. Souvenez-vous, celle que l'on fredonne quand les obus moissonnent. Il m'avait dit, bon sang le mur, de Maginot ça c'est du sûr. Nous v'la boucler dans un stalac, où ce qu'on vous commande va la schlac. Je voudrais revoir ma belle Arlette qui a disparu pendant l'exode. Foutu monde et foutu période, on va tous crever comme des bêtes. Et souvenez-vous, la chanson de Corne. Kyrie eleison. Souvenez-vous, celle que l'on fredonne quand les obus moissonnent. Il m'avait dit, tape dans le tas, c'est rien que des bougnoules, mon petit gars. Il fallait mitrailler des femmes, des gosses des anciens du Vietnam. Des vétérans de la dernière guerre, avec leur médaille militaire. J'ai jeté mon flingue dans les buissons, et j'ai couru à la maison. Je me suis souvenu, la chanson de Corne. Kyrie eleison. Souvenez-vous, celle que l'on fredonne quand les obus moissonnent. Ils m'ont tous dit, il y en aura d'autres, des gars, fais pas ton bon apôtre. Mais moi là-bas, c'est ton atomique, c'est pas mon truc, je suis pacifique. Alors quand j'entends les fanfares, je me tire de là, je me chante du bref et du Brassens. Je pense à la belle que j'accrocherai à ma guitare. Et je me souviens, la chanson de Corne. Kyrie eleison. Souvenez-vous, celle que l'on fredonne quand les obus résonnent.